Chapitre 2. Garnett lui-même avait le sentiment d'avoir vu un revenant lorsqu'il reçut, en quittant son hôtel, le billet mauve qu'il venait de relire. Non pas qu'une missive annonçant l'arrivée de Mrs. Sam Newell à l'hôtel Ritz et lui donnant rendez-vous ce jour-là à 5 heures fût de mauvais augure. Il n'était nullement surpris de savoir Mrs. Newell installée au Ritz, bien qu'elle se trouvât périodiquement dans la gêne et même à tel point qu'elle ait été une ou deux fois dans la dure nécessité de solliciter du journaliste un prêt de 5 livres. Garnett savait que cela ne changeait rien à son mode d'existence. À Paris, où pouvait-on descendre si ce n'est chez Ritz? Certes, il ne la voyait pas installée dans quelque modeste hôtel de la rive gauche ni dans une pension de famille du quartier de l'Étoile. Elle était très naturellement attirée vers tout ce qu'il y avait de plus luxueux et de plus en vue. En cédant à cette tendance, elle obéissait à un des instincts les plus profonds de sa nature, et c'était encore par instinct qu'elle cherchait à satisfaire à tout prix ce goût de luxe, même en puisant dans la poche d'un pauvre correspondant de journal. Une grande part de sa force, et aussi de son charme, venait de ce qu'elle faisait tout cela naturellement, franchement, sans s'abaisser à la dissimulation ou au remords. Le jour où elle avait recours à Garnett, sa fortune était particulièrement obérée. Sauf les moments exceptionnels où elle se trouvait ainsi acculée, elle pouvait compter sur des ressources plus assurées, et Garnett était à peu près sûr qu'en parcourant les mondanités du Paris Herald, il trouverait une explication, non pas peut-être de sa présence à l'hôtel Ritz, mais des moyens d'existence qu'elle y avait. Ce qui l'intriguait surtout, c'était la présence à Paris de Mrs. Newell au mois de septembre. Lorsqu'elle avait quitté Londres en juillet, elle lui avait dit qu'entre Cowes et l'Écosse, elle et sa fille Hermione étaient pourvues jusqu'au milieu d'octobre. Après, avait-elle ajouté, il faudra se débrouiller. Pourquoi, dans ce cas, était-elle venue à Paris, au commencement de septembre, faire Dieu sait quelle folle dépense, alors qu'il lui était possible de vivre 3 mois au crochet de l'aristocratie anglaise? Elle n'était pas femme à agir sans mobile, et si elle se trompait parfois, ce n'était pas sur des questions de ce genre. Garnett était convaincu qu'elle ne le lâcherait pas, sans y être forcée. Les amis élégants auxquels elle se cramponnait, seraient ceux alors qu'il aurait lâché. Plus Garnett réfléchissait à la situation, plus il s'en rendait compte qu'il avait toujours envisagé cette dernière possibilité. Il avait prévu depuis longtemps que, d'une minute à l'autre, Mrs. Newell pourrait se trouver sans appui. Elle avait en effet des exigences effrayantes, et sa situation était aussi précaire que celle d'une armée d'invasion sans base d'opération. Elle usait tout, amis, crédit, influence, avec une rapidité dévorante. Il lui était si facile de se les gagner. Pourquoi donc n'avait-elle jamais pu apprendre à les garder? Garnett lui-même, par exemple, le plus humble de ses serviteurs, se sentait déjà sans résistance en pensant à elle. C'était ce sentiment de faiblesse, d'incapacité à donner ce qu'il n'avait pas, soit matériellement, soit moralement, qui avait provoqué son exclamation à la lecture de la lettre de Mrs. Newell. Dès leur première rencontre, la prodigalité de sa compatriote avait épouvanté le jeune homme, mais il avait cru que cette prodigalité était dépassée par ses ressources. Si elle épuisait d'anciennes réserves, elle en trouvait toujours de nouvelles pour les remplacer. Au moment même où une coterie la trouvait impossible, une autre la déclarait indispensable. Oui, mais le nombre des coteries, telles qu'elles étaient classifiées par Mrs. Newell, était pourtant limité. Et que ferait-elle lorsqu'elle serait au bout de son rouleau? Cette fugue en France signifiait-elle qu'elle en était là? Allait-elle essayer de Paris parce que Londres lui faisait défaut? L'époque de l'année ne permettait pas de s'arrêter à une semblable conjecture. Le Paris mondain n'existe pas en septembre. On se sent isolé dans cette ville remplie de touristes désœuvrés. Mrs. Newell aurait aussi bien pu chercher un reconstituant social à Boulogne. Un instant, Garnett eut l'idée qu'elle était peut-être venue renouveler sa garde-robe. Mais il savait que c'était en avril et en décembre qu'elle visitait ses couturiers. Avant décembre, lui avait-il entendu dire « on ne trouve à Paris que les modes américaines ». Le mépris de Mrs. Newell pour tout ce qui était américain s'associait d'une façon peu logique avec sa détermination de se servir de son propre américanisme pour s'élever socialement. Elle savait depuis longtemps qu'à Londres, il y avait tout profit à être américaine. Elle avait adopté ce dialecte composé de phrases créoles et d'argot de New York qui est, pour l'aristocratie anglaise, typique d'un américanisme pur. Malgré tous ses dons, Mrs. Newell manquait à la fois d'humour et de fantaisie, et elle eût sûrement parfois préféré être aussi nulle que quelques-unes des personnes dont le sort l'avait chargée de secouer la bêtise. C'était peut-être ce besoin de détente qu'avait créé son étrange intimité avec Garnet. Avec lui au moins, elle n'avait pas à être purement anglaise ou artificiellement américaine, puisque l'impression qu'elle faisait sur lui ne tirait pas plus à conséquence que celle qu'elle pouvait faire sur son balai de pied. Garnet se rendait parfaitement compte qu'il devait son succès à son peu d'importance dans le monde. Et cela lui faisait découvrir un nouveau côté du caractère de Mrs. Newell. Il était aussi disposé à sacrifier sa vanité personnelle à une telle découverte qu'il l'avait été, au début, à sacrifier sa vanité professionnelle au désir de la connaître. Lorsqu'il avait accepté la situation de correspondant de Londres, de New York's Archlight, il n'avait pas compris que l'interview devait faire partie de ses devoirs professionnels. S'il l'avait prévu, il aurait aussitôt renoncé à sa situation pour revenir à sa pénible besogne de rédacteur suppléant à New York. Mais lorsqu'après 3 mois passés en Europe, il reçut de son chef une lettre lui suggérant qu'il devrait égayer le Searchlight du dimanche par une série de causeries avec les élégantes américaines de Londres, commençant par Mrs. Sam Newell, le changement qui s'était déjà opéré dans ses idées lui permit d'accepter la tâche. Depuis que son métier l'avait initié à cette existence de Londres qui exhale une saveur si capiteuse d'art, d'ambition, de jouissance, il sentait en lui un désir croissant de s'y mêler. Ne lui serait-il pas possible d'y parvenir par le moyen de son amitié avec Mrs. Newell? Elle avait consenti tout de suite, presque avec empressement, à l'interview dont il pensait ne rapporter que l'aspect fugitif que l'on peut avoir quand on est dans une antichambre et que la porte du salon est ouverte. Il s'était tout au contraire trouvé initié, non pas au secret de la société de Londres, mais au rapport que Mrs. Newell avait avec elle. Elle avait été charmée par cette idée d'interview. Elle sentait le besoin de quelque chose de nouveau. Elle avait cette fraîcheur factice de la femme qui a épuisé toutes les ressources de son cabinet de toilette. Mais sa personnalité était moins brillante. Ce qu'il lui fallait, c'était une rénovation sociale. Depuis trop longtemps, elle faisait et disait les mêmes choses. Londres, Cowes, Rombourg, l'Écosse, Monte-Carlo avaient été son cercle depuis l'enfance de sa fille, la charmante Hermione, qu'elle fit venir pour que Garnet puisse célébrer ses grâces dans l'article qu'il devait écrire sur sa mère. Miss Newell était d'une fraîcheur si éclatante qu'à première vue, Garnet eut l'idée de lui consacrer un paragraphe entier, mais il s'aperçut qu'elle n'avait de personnalité que par sa mère, et que par un effet mystérieux, même sa grâce et sa jeunesse semblaient des attributs complémentaires de Mrs. Newell. La jeune fille sourit docilement à Garnet, mais sauf ce sourire et le charme de sa présence, elle n'offrait que peu d'intérêt au point de vue de l'interview. Après un certain temps, il constata qu'elle avait quitté la pièce sans qu'il s'en aperçût. Il apprit par la suite que cette absence de personnalité était précisément ce qu'elle avait de plus personnel. Sa mère brillait d'un tel éclat qu'elle faisait paraître terne tout ce qui l'approchait, et la pauvre Hermione n'était quelque chose que par elle. Malgré l'exemple de la femme la plus élégante de Londres, la jeune fille s'intéressait peu à la toilette. Malgré les assauts qu'avait dû subir son innocence, elle était demeurée simple, confiante et affectueuse. Elle s'occupait de bonnes œuvres, assistait avec piété aux offices, choisissant de préférence la société de jeunes filles simples, voire même ennuyeuses, et conservait un souvenir fidèle pour ses vieilles gouvernantes et ses bonnes d'enfants à la retraite. Mrs. Newell, qui se vantait de ne jamais se faire aucune illusion, avouait franchement qu'elle n'avait jamais pu tirer parti d'Hermione. « C'est un rôle, je ne l'ai pas découvert, » confessa-t-elle à Garnet. « J'ai essayé de trouver un cadre, aucun ne lui convient. » Mrs. Newell parlait de sa fille comme si elle eût été un meuble acheté à la hâte et pour lequel on n'a pas trouvé la place qui convient. Elle tirait d'Hermione ce qu'elle pouvait, lui faisait écrire ses lettres, faire ses courses, recevoir les gens ennuyeux, remplir enfin un rôle intermédiaire entre celui de femme de chambre et de secrétaire. Mais c'était un bien mince avantage pour un tel placement. À quoi bon produire et élever une jolie fille si elle ne doit pas contribuer d'une manière plus effective à la situation de sa mère?